Le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé le 25 courant une couronne mortuaire auprès de la dépouille de Monsieur Koo Sung-hae, lauréat du prix Kim Il-sung et artiste du peuple, en signe de ses profondes condoléances.